La zone de solidarité prioritaire, c'est clairement affiché, va regrouper là, maintenant, l'ensemble des pays actuellement éligibles au fonds d'aide coopération. Ça veut dire que l'ensemble des pays africains francophones en font partie. Il est vrai que le CICID, ce fameux comité interministériel, a capacité à modifier le périmètre de cette zone. Théoriquement, à enlever des pays et en rajouter d'autres. Et je pense que ce sera intéressant, le moment venu, de regarder si du côté de l'Afrique anglophone, il n'y a pas une ouverture à envisager en direction d'un pays dont la situation par rapport à la zone francophone, par exemple, justifierait qu'on s'y intéresse davantage. Mais je ne crois pas que ce soit forcément en termes de coopération ou non-coopération que le problème puisse se poser. Mais on peut imaginer que nous proportionnalisions notre aide ou notre intervention en fonction des réalités objectives d'un pays. Certains pays ayant un degré de pauvreté relative moins élevé, ou à contrario une richesse plus grande, pourraient voir notre niveau d'intervention baisser, sans pour autant qu'il s'interrompe. Et cette aide proportionnelle, ça peut vouloir dire moins pour le Gabon et plus pour le Mali, comme le souhaite le Parti socialiste ? Il y a des réalités objectives qu'il faudra prendre en considération. Et puis, les efforts qui sont faits par les pays en matière de finances publiques, en matière de comportement des uns et des autres. Les propos de Charles Josselin ont été tenus en 1998, après la réforme tant attendue, puisque le général de Gaulle en avait déjà parlé, la réforme tant attendue du ministère et des services de la coopération. Mais on voit bien que ces propos comportent autant de fidélité que d'ouverture. La zone de solidarité prioritaire est en réalité un élargissement du champ d'action de la politique française. L'Afrique y est présente et même à la place centrale, et à côté d'elle, on trouve les autres pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, et les pays francophones en développement. L'intention n'est sûrement pas ici de présenter en quelques minutes, exercice voué d'avance à l'échec, une sorte d'évaluation des attentes exprimées par la partie africaine en matière d'aide et de coopération, mais plutôt d'en donner à titre indicatif quelques exemples très intéressants dans leur formulation. Ainsi, en novembre 1967, ce discours du président du Dahomey, Christophe Soglo, à l'occasion d'une visite officielle en France.